Yeah. Yeah, yeah, yeah. On n'a jamais fini. C'est le spécial remix. Hey, Tornado. Ça sert à rien de te cacher. Nous on aura ta peau. Même si tu t'enfuis sur la lune, oh, nous on aura ta peau. C'est aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Aujourd'hui, et aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas Martino. Payer. A-L-O-N-Z. Tu vas payer. Écoute, yeah. Quand on fait le, et fait le, et fait le vide. Ils se prennent pour qui eux, si tu peux, et tu les vis. Fais le monde qu'il y a, y'a pas un boule dans leur vie. Fais le monde qu'il y a, y'a pas un boule dans leur vie. Voilà que ça sert à rien, tu te caches, Marseille, c'est dangereux. Dans l'habitat, Kalash, arrache en moins d'eux. J'fais des miracles, pourtant j'fume beaucoup moins d'eux. Je suis au rap, ce que Drucker est en France 2. Bas les couilles, hein, on met le bas le main. Cabre sans les mains, t'as que sans frère en main. On est posté sur le terrain pour la pointe du gain. Et fais le beat, ouais, mais fais le bien. Zen comme le Dalai Lama. Personne va rien faire, on a le temps de manger. Ça sert à rien de te cacher, je pense avec Juna. Personne va rien faire, on a le temps de chanter. C'est aujourd'hui que tu vas payer mon ami. C'est aujourd'hui que tu vas payer mon ami. Ben c'est la débauche, Naza restera le débauchard. Même si tu t'enfouis sur la lune, Naza restera le débauchard. Ah j'ai pas besoin des câlins, moi je veux que danser. Quand je bouge mon bassin, oh, toute la foule ambiancée. Jamais je n'ai tort. Qui va siffler la mi-temps? Moi c'est le public qui me réclame. J'ai ta montée sur la scène, c'est le fire. Ça sert à rien de te cacher, nous on aura ta peau. Même si tu t'enfuis sur la lune, oh, nous on aura ta peau. C'est aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Tu vas payer. Réalise, même s'il faut aller sur la lune. Faut que bip bip bip. Si je devais m'arrêter à tout ce que les gens disent, je serais déboussolé. Et si je devais m'arrêter à tout ce que les gens disent, je pourrais plus respirer. C'est pour ça que j'insulte ta maman. J'encule le game, ça fait un moment. Et c'est pour ça que j'insulte ta maman. Je m'en bats les couilles de ce que disent les gens. Et c'est pour ça que j'insulte ta maman. On m'a dit VGD, t'es trop insolent. C'est pour ça que j'insulte ta maman. J'encule le game, ça fait un moment. Demande à Dadju, on sera millionnaire dans quelques années. Si t'es trop jaloux, on va te niquer ta mère, personne va se séparer. Ça sert à rien de te cacher, nous on aura ta peau. Si tu t'enfuis sur la lune, nous on aura ta peau. C'est aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Aujourd'hui que tu vas payer. Sur ma mère que tu vas payer. Demande à Alonso, papa, tu vois pas les vitiers. Demande à ma MHD, tu vois pas les vitiers. Demande à ma vie, tu vois pas les vitiers. T'as pas vu le gabarit, c'est impossible à éviter. Tu vas chala, tu vas payer. Oko foot, tu vas payer. Tu vas payer. J'ai toujours le prince d'aïe, tu vas payer. Juste pour le plaisir des oreilles, tu vas payer. Another one, tu vas payer. Tornado.